leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah, n'est-ce pas que le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc ça, c'était la traduction du paragraphe qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, on va enchaîner directement avec la traduction de Cheikh Suhaimi, hafizahullah ta'ala. Donc, Cheikh Suhaimi nous dit, nous avons vu l'explication des quatre points essentiels lors des deux premiers cours, en ce qui nous concerne. Et nous allons voir trois points, nous allons voir maintenant trois points qui sont également très importants et essentiels à notre compréhension du livre Al-Usul al-Thalath. Et sans la connaissance de ces trois points, le muslim ne sera pas en mesure de comprendre le livre. Sans la connaissance de ces trois points également, le muslim ne sera pas en mesure de comprendre le livre. Le premier de ces points traite de la foi dans les messagers, de manière résumée. Le deuxième traite de l'obligation du tawhid, du danger du shirk et de la gravité d'invoquer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point traite de l'alliance et du désaveu en islam. Et nous aujourd'hui, nous allons voir le premier de ces trois points. Nous verrons la suite, incha'Allah, la semaine prochaine. Donc le premier de ces trois points, c'est le fait qu'Allah a créé la création pour qu'il l'adore. Allah a créé la création, les djinns et les hommes, pour qu'il l'adore. Et vu qu'Allah les a créés pour qu'il l'adore, il était nécessaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie de quelle manière ils doivent l'adorer. Il était nécessaire qu'Allah clarifie de quelle manière ils doivent l'adorer. Car il n'est pas possible de s'en remettre à sa seule raison. Car chacun prendrait sa raison comme juge, comme législateur dans la religion d'Allah, dans la législation d'Allah, comme le font certains innovateurs, tels les Mu'tazila, ou les adeptes des écoles de pensée rationalistes actuelles, ceux qui soumettent, qui subordonnent chaque chose à leur raison. Les rationalistes qui ont renié et rejeté beaucoup de hadiths et de versets, sous prétexte que leur raison ne se tranquillisait pas, ou que leur raison refusait telle ou telle vérité issue du Coran et de la Sunna, ou sous prétexte que ces versets ou ces hadiths ne sont pas en accord avec leur raison, avec leur compréhension. Mais en vérité, ces hadiths et ces versets du Coran ne posent de problème qu'à ceux qui ont une raison malade. Ces versets et ces hadiths ne posent de problème qu'à ceux qui ont une raison malade, une compréhension erronée. Quant à celui ou celle dont la raison est saine, remplie de vitalité par l'amour du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est en accord avec les versets et les hadiths. Sa raison est en accord avec les versets et les hadiths. Donc, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a créés et il ne nous a pas abandonnés, nous laissant libre choix de prendre ou de laisser ce qui nous plairait comme type d'adoration. Allah ne nous a pas délaissés, ni négligés, car il est le plus savant de ce qui est meilleur pour ses serviteurs, comme il nous le dit dans le Coran, « Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira ». Il est, au sujet de ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Il est, au sujet de ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. » Ainsi, il est plus savant que ses serviteurs des raisons et des sagesses pour lesquelles il les a créés. Et c'est pour cela qu'il leur a envoyé des messagers et qu'il a révélé les livres saints, tels les psaumes, la Torah, l'Évangile, le Coran. Ainsi, quiconque aura obéi à ces messagers sera parmi les vainqueurs et les sauvés, tandis que quiconque leur aura désobéi aura échoué et il se sera exposé à la perdition. C'est pour cela que l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous dit « Bel arsala ilayna rasoulan, faman ata'ahu dakhala al-janna, wa man asahu dakhala al-nar. » Au contraire, Allah nous a envoyé un messager, quiconque lui obéira entrera au paradis, et quiconque lui aura désobéi entrera en enfer. Et ceci est clarifié par la parole prophétique dans un hadith rapporté par Abi Huraira radiallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kul ummati dakhala al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasul Allah. Qal man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. Il fut questionné, mais qui refuserait? Il répondit, celui qui m'aura obéi entrera au paradis, et celui qui m'aura désobéi aura certes refusé. Ainsi, quiconque aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam en ayant œuvré selon ce que cela implique de manière apparente et cachée entrera au paradis. Et quiconque aura désobéi à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam aura refusé le paradis. Et Cheikh Suhaimi hafizahullah nous dit, et la désobéissance se divise en deux. Premièrement, la désobéissance qui atteint le niveau de mécréance en Allah, tel le shirk, ou tout ce qui est en rapport à la mécréance. Et le deuxième type de désobéissance, c'est celle qui n'atteint pas le niveau de mécréance en Allah. Al-Muhim, ce qui est important, c'est que quiconque aura obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis, et quiconque lui aura désobéi, entrera en enfer. Tout comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna ilaykum rasoulan shahidan alaykum, kama arsalna ila fir'auna rasoula. Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Quand Allah nous dit Inna arsalna ilaykum rasoulan, nous vous avons envoyé un messager. De qui s'agit-il? Il s'agit de notre prophète, notre maître, notre imam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah nous dit dans le verset, « Kama arsalna ila fir'auna rasoula » de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Qui est donc ce messager dont Allah nous parle? Il s'agit de Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Allah nous dit ensuite, فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ Pharaon désobéit au messager. Pharaon a désobéi à Moussa. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا Alors Allah conclut le verset en nous disant, nous le saisîmes donc rudement. Allah le Tout-Puissant, lui qui est capable de tout, s'est alors saisi de Pharaon. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا Nous le saisîmes donc rudement. Et tel est le sort de celui qui dément les prophètes et les messagers. Tel est le sort de ceux qui traitent les prophètes et les messagers de menteurs, de ceux qui leur désobéissent, de ceux qui violent les limites d'Allah. Comme nous le dit Allah dans le Coran, « Man yuti'ir rasoula faqad ata'a Allah, wa man tawalla فما أرسلناك عليهم حفيظا. Et celui qui obéit au prophète a certes obéi à Allah. Et quiconque tourne le dos, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Ainsi, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie intégrante de l'obéissance à Allah. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une partie indivisible et inséparable de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque obéit à Allah et à son messager sera parmi les vainqueurs et ceux qui auront réussi dans les deux demeures, la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura certes échoué. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura certes échoué et se sera exposé à la perdition. Ceci est donc le premier des trois points essentiels. Cheikh Suhaimi nous dit également, quant aux rationalistes, ceux qui prennent leur raison comme législateurs dans la législation d'Allah, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, ceux qui utilisent leur raison pour rejeter ou accepter les hadiths, nous leur disons, certes Allah le Très-Haut ne nous a pas abandonnés. Allah ne nous a pas négligés. Il ne nous a pas créés par futilité, sans but. Bien au contraire. Il nous a envoyé un messager, un prophète miséricordieux envers sa communauté, profondément attaché à leur guidance, soucieux de leur cheminement sur la voie de la rectitude, doux et compatissant à leur égard. Il a transmis le message, rendu le dépôt, conseillé la communauté, et il a combattu et enduré pour Allah. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui et ses proches, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager issu de vous-même est venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Quand Allah nous dit « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ » Certes, un messager issu de vous-même vous est venu. De qui s'agit-il? Il s'agit du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du prophète de la guidance, de la miséricorde, le prophète de la piété, l'imam de la voie droite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque chemine sur son chemin et suit son exemple dans tous les points, tels que le dogme, la croyance et l'aqida, le comportement, les bonnes manières, la législation, l'appel à Allah, etc. Quiconque suivra son exemple de manière absolue sera parmi les sauvés, les vainqueurs par l'agrément d'Allah. Et quiconque aura dévié, quiconque se sera détourné du chemin prophétique, de quelque manière que ce soit, se sera égaré de la voie droite. Il aura cheminé sur un sentier autre que celui des croyants. Et se sera éloigné de la voie d'Allah, la voie de la rectitude. Quiconque aura dévié, quiconque se sera détourné du chemin prophétique, de quelque manière que ce soit, se sera égaré de la voie droite. Il aura cheminé sur un sentier autre que celui des croyants et se sera éloigné de la voie d'Allah, la voie de la rectitude. C'est donc le premier des trois points essentiels. C'est donc le premier des trois points essentiels. La foi dans le fait qu'Allah nous a envoyé un messager miséricordieux et doux à l'égard de sa communauté, soucieux de les guider sur le droit chemin. Aussi, quiconque lui aura obéi entrera au paradis, et quiconque lui aura désobéi entrera en enfer. Et obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'obéissance à Allah. Et si par exemple, une personne appliquait la religion correctement, mais qu'elle dirait par exemple, moi, sur tel ou tel point, je n'obéirai pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne venait et qu'elle appliquait la religion correctement, mais qu'elle dirait par exemple, moi, sur tel ou tel point, je n'obéirai pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel serait le jugement d'une telle personne? Cheikh Suhaimi nous dit, il aurait mécru. Il sort de la religion. Cette personne n'est plus musulmane. Bien sûr, nous ne visons pas une personne qui a fait un péché et qui reconnaît avoir fait un péché, qui reconnaît avoir désobéi. Celui-ci n'est pas concerné ici. Il s'agit d'un désobéissant dont le sort est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonnera par sa bienfaisance, ou s'il le souhaite, Allah le châtiera et ce sera justice. Cependant, si Allah le châtie, ce pécheur ne s'éternisera pas en enfer. Il finira par en sortir pour entrer au paradis. Par contre, si une personne vient et nous dit « L'alcool est licite, je ne reconnais pas que c'est haram, que c'est interdit. » Et ce, même si tu me faisais voir 1000 hadiths prouvant le contraire ou 1000 versets. Pour moi, l'alcool est licite, de même que les intérêts usuriers et le fait de gaspiller les biens de l'orphelin. Si une personne nous disait cela, quel serait le jugement de cette personne? Mécréante. Et c'est ce type de personne dont la désobéissance atteint le niveau de mécréance, c'est ce type de personne qui est visée par la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, quand il nous dit « فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ » Quiconque lui aura obéi entrera au paradis, et quiconque lui aura désobéi entrera en enfer. La désobéissance qui est visée ici, c'est celle qui atteint le niveau de la mécréance. Quant à celui qui va commettre des désobéissances, des péchés, et qui les reconnaît, celui-là est sous la volonté d'Allah comme nous l'avons vu. Il est sous la menace du châtiment. Il court un grand danger. Cependant, il ne s'éternisera pas en enfer. Et il se peut qu'Allah lui pardonne de par son bienfait. Par contre, si ce serviteur persiste dans son péché, faisant preuve de complaisance, le commettant facilement, de manière continuelle, ceci peut entraîner comme conséquence qu'il se rende ce péché licite. Et dès lors qu'il se le rend licite, s'il meurt dans cet état-là, rendant ce péché licite, alors cette personne sera mécréante, étrangère au cercle et aux liens de l'islam. De ce fait, quiconque aura obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aura cheminé sur son chemin, sera bien guidé. Et quiconque lui aura désobéi, se sera égaré de la voie droite. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et le deuxième point, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. C'est le point que nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui. Et le troisième point que nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah, concerne l'alliance et le désaveu en islam. Donc aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. Ainsi, l'auteur nous dit « الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته » لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le deuxième point, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et la preuve de ceci réside dans la parole d'Allah, en traduction rapprochée, et les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ce deuxième point traite du jugement concernant le fait d'invoquer autre qu'Allah et le fait d'adorer autre qu'Allah, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Il se peut qu'une personne se demande, nous dit Cheikh Sahimi, hafidhahullah, il se peut qu'une personne se demande pour quelle raison l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a spécifié et a avancé ce point à cet endroit du livre. Alors que ce point aurait pu s'inclure dans d'autres points qui seront par ailleurs abordés par la suite, incha'Allah. Nous traiterons ce sujet plus en détail quand nous aborderons le paragraphe qui traite de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Sahimi nous dit, il se peut qu'une personne se demande pour quelle raison l'auteur a spécifié et avancé ce point à cet endroit-là du livre. Nous sommes dans les débuts du livre. La réponse est que l'auteur a spécifié ce point car le shirk, le polythéisme, s'est répandu et s'est étendu sur cette communauté. La communauté a été submergée par le shirk, par le polythéisme. Le shirk s'est disséminé dans cette communauté. Et plus précisément, l'adoration des tombes et la dévotion pour celles-ci en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci s'est multiplié chez les gens, et ainsi ils ont pris les saints et les pieux qui sont morts et enterrés, ils les ont pris comme divinités en dehors d'Allah. Ils les adorent, ils leur vouent un culte, leur demandent d'accomplir telle ou telle chose, ils leur demandent de dissiper tel ou tel problème, telle ou telle peine ou tristesse. Il leur demande d'écarter tel souci, de faire disparaître telle affliction ou telle tristesse, etc. Et Cheikh Sahimi nous dit, Wallahi, par Allah, nous entendons de nos propres oreilles que dans beaucoup de pays, quand une personne passe auprès d'une tombe, une tombe d'un saint ou d'un pieux, elle dit, ô un tel, accorde-moi ton assistance. Ô un tel, viens à mon secours. Ô un tel, accorde-moi ta protection. Ô un tel, réserve-moi une place sous ton aile protectrice. Tu es mon secours, etc., etc. Et tout ceci est du shirk. Tout ceci est du shirk. Tout ceci relève du polythéisme. Tout ceci est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes annulent et pervertissent les actions. Ces actes de shirk annulent et pervertissent les actes d'adoration. Ces actes de shirk détruisent, démolissent les adorations à leur base. Et c'est pour cela que l'auteur a spécifié ce point à cet endroit. Et aujourd'hui, cette calamité, nous dit Cheikh Sahimi, hafizahullah, s'est répandu. Et nous entendons ce shirk, ce polythéisme que ces gens font, et ce même devant la tombe de l'élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même devant sa propre tombe, on entend ce genre de choses. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce genre de choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre ce genre de choses. Cheikh Sahimi nous dit, il peut arriver qu'on entende près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens dire, « Oh messager d'Allah, donne-moi telle ou telle chose. Oh messager d'Allah, viens à mon secours. Oh messager d'Allah, de par ton prestige, ton rang, réalise ceci ou ceci pour moi. » Et même, quand une personne est en colère contre une autre, pour la menacer, elle va lui dire, « Je vais aller me plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Et tout ceci, toutes ces choses ne conviennent pas au prophète. Toutes ces choses ne conviennent pas au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas de son ressort, alayhi salatu salam. Ceci est du ressort d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ceci est le droit d'Allah. Et dans un hadith, lorsque l'homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ma sha Allahu wa shi'ta, ma sha Allahu wa shi'ta, selon la volonté d'Allah et la tienne, un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit selon la volonté d'Allah et la tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché contre lui. Le prophète n'a pas accepté cette parole. Il lui a dit, « Aja'altani lillahi niddan, as-tu fait de moi un égal à Allah ?» C'est plutôt selon la volonté d'Allah seul. Quand l'homme s'est présenté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, selon la volonté d'Allah et la tienne, le prophète s'est fâché. Il lui a dit, as-tu fait de moi un égal à Allah? C'est plutôt selon la volonté d'Allah seul. Cheikh Sahimi nous dit après, qui donc a prononcé cette parole? Est-ce moi? Est-ce un tel ou un tel? Qui donc a réprimandé cet homme quand il est venu et qu'il a dit « selon la volonté d'Allah et la tienne ». Qui donc a réprimandé cet homme pour cette parole? Il s'agit de notre maître, notre imam, notre prophète, l'élu de notre Seigneur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a prononcé cette parole, cette réprimande. Et Cheikh Sahimi nous dit « ce n'est pas moi, ni Zayd, ni Amr, ni un tel ou un tel ». C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réprimandé cet homme pour cette parole qu'il a prononcée. Maintenant, laquelle de ces deux paroles est la plus grave et la plus exagérée? Laquelle de ces deux paroles est la plus grave et la plus exagérée? Est-ce une personne qui vient et qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la volonté d'Allah et la tienne, ou une autre personne qui va se présenter devant la tombe du prophète, ou qui va dire, ô messager d'Allah, secours-moi. Ô messager d'Allah, donne-moi ceci ou cela. Ô messager d'Allah, accorde-moi ton soutien, ou protège-moi. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Laquelle de ces deux paroles est la plus grave, la plus exagérée? La première ou la deuxième? Et on entend les étudiants dans l'audio, même s'il n'est pas très net, on entend les étudiants qui répondent la deuxième. Cheikh Sahimi nous dit, Tayyib, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas interdit la première? Le prophète, alayhi salatu salam, n'a-t-il pas interdit la première, alors qu'elle est moins grave? Quand la personne lui a dit, selon la volonté d'Allah et la tienne, ma sha Allahu wa shi'ta, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a réprimandé en lui disant, « Aja'altani lillahi niddan, as-tu fait de moi un égal à Allah ?» C'est plutôt « Ma sha Allah wahda » selon la volonté d'Allah seul. selon la volonté d'Allah seul. Subhanallah, nous dit Cheikh Sahimi, regardez de quelle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le tawhid. De quelle manière il nous apprend. De quelle manière il nous enseigne comment nous devons unifier notre Seigneur. De nos jours, nous disons des paroles, nous ne connaissons même pas leur sens. Les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Ils invoquent un tel ou un tel, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, ô messager d'Allah, ya Rasulallah, ô un tel, ô Badawi, ô Jailani, ô Naqshbandi, ô Shadili, ô un tel, etc., etc. Les pauvres, nous dit Cheikh Sahimi, ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ont entendu leur père et leur grand-père dire ces choses, alors ils les imitent aveuglément. Ils répètent comme des perroquets. Cependant, s'ils avaient entendu cette noble orientation prophétique, cet enseignement, cette orientation qui nous vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils l'avaient entendu, aurait-il été capable de dire ce genre de choses? Quand l'homme a dit « Ma sha Allahu wa shi'ta » selon la volonté d'Allah et la tienne, le prophète lui a dit « Aja'altani lillahi niddan » As-tu fait de moi un égal à Allah? C'est plutôt selon la volonté d'Allah seul. C'est-à-dire, ne dis pas selon la volonté d'Allah et la tienne, mais dis selon la volonté d'Allah seul. Ma sha Allahu wahda. Tayyib. Cheikh Sahimi nous dit, nous trouvons un autre hadith qui clarifie ce point. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, wa anzir ashirataka al-akrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Quand ce verset a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que leur a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Il les a tous appelés en élevant la voix. Il a commencé par les gens de sa tribu et il leur a dit, ô gens de Quraysh, sauvez vos âmes de l'enfer, je ne peux rien vous assurer auprès d'Allah. Il a appelé Abbas, ou Abbas, radiallahu anhu. Et qui était l'Abbas? C'était son oncle paternel. Et il lui a dit, « Ô Abbas, sauve ton âme de l'enfer, je ne peux rien t'assurer auprès d'Allah. » Il a appelé Safiya. Qui était Safiya? C'était sa tante paternelle. Il lui a dit, « Ô Safiya, sauve ton âme de l'enfer, je ne peux rien t'assurer auprès d'Allah. » Et il a appelé sa propre fille également, Fatima, fille de Mohammed, il lui a dit, ô Fatima, fille de Mohammed, prends de mes biens ce que tu veux. Sauve ton âme de l'enfer, je ne peux rien t'assurer auprès d'Allah. Subhanallah, il lui dit, prends de mes biens ce que tu veux, demande ce que tu veux. Je ne peux rien t'assurer auprès d'Allah, sauve ton âme de l'enfer. Il les a appelés jusqu'à ce qu'il arrive au point d'appeler les gens qui lui sont le plus proches, la chair de sa chair. Le sang de son sang. Fatima, la maîtresse des femmes du paradis, que l'agrément d'Allah soit sur elle. Et nous, nous dit Cheikh Sahimi, Hafidahullah, nous l'honorons. Nous avons de la considération pour elle. Et quand son nom est évoqué, nous disons, radiallahu anha. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Cependant, nous ne l'adorons pas. Nous ne lui vouons aucun culte. Au contraire des chiites, Rafida, qu'Allah les détruise. Nous disons que Fatima, radiallahu anha, est la maîtresse des femmes du paradis. Et nous croyons en cela, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en a informé. Il nous a informé qu'elle était la maîtresse des femmes du paradis. Mais nous ne rajoutons rien à cela. Nous ne faisons pas d'exagération à son sujet, ni au sujet de quiconque. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé la personne la plus proche de lui, Fatima, radiallahu anha. Il lui a dit, prends ce que tu veux de mes biens, sauve ton âme de l'enfer, je ne peux rien t'assurer auprès d'Allah. Chers frères et sœurs, comparons cet appel grandiose du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que font les musulmans de nos jours. Comparons cet appel grandiose du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que font les musulmans de nos jours. Subhanallah, on trouve des gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, ils jeûnent, ils accomplissent leur pèlerinage, ils accomplissent tous les actes d'adoration, toutes les obéissances, puis ils sabotent tout. Ils annulent tout. Ils effacent tout par une parole prononcée par leur langue. Ils vont se mettre à rechercher le secours auprès d'autres qu'Allah. Ils vont dire par exemple, « Oh un tel, secours-moi, oh Badawi, oh Jailani, oh Naqshbandi, oh Tijani, oh un tel, etc. etc. » Ainsi, ils annulent tout. Ils détruisent toutes leurs œuvres. Ils anéantissent tous leurs actes d'adoration, leurs prières, leurs jeûnes, leurs zakats, leurs aumônes. Tout est anéanti, il ne reste rien. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de l'invoquer. Alors qu'il est la meilleure des créatures d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures d'Allah, nous a interdit de l'invoquer. Alors comment se fait-il que soit invoqué quelqu'un qui lui est inférieur ? Comment se fait-il que soit invoqué quelqu'un qui a un niveau moins élevé que le sien ? Si il nous est interdit d'invoquer la meilleure des créatures, qu'en est-il pour les autres ? Cheikh Suhaimi, Hafizahullah, nous dit « Pourquoi invoquer un miskin, un mort dans sa tombe, qui ne possède rien pour lui-même ? Car s'il avait pu faire quelque chose pour lui-même, quand la mort s'est présentée, s'il détenait quoi que ce soit, il ne serait pas mort. Il aurait vécu éternellement. Et si l'éternité avait été décrétée pour quelqu'un, elle l'aurait été pour la meilleure créature de l'univers, le meilleur parmi les fils de Adam, alayhi salam, le meilleur parmi les fils de Adam, le maître des dernières, des premières et des dernières générations, notre maître, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est clair pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille en étant témoin. Ceci est clair. S'il nous est interdit d'invoquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par extension, il nous est interdit d'invoquer qui que ce soit d'autre. Et c'est un point d'une importance grandiose, immense. C'est le fait d'apprendre qu'on ne doit rien invoquer en dehors d'Allah, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et j'ouvre une petite parenthèse, comme nous le dit le Cheikh Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah, qui est un grand savant du Najd, de l'Arabie, du siècle dernier, comme il nous le dit dans son explication d'Al-Usul al-Thalatha, les anges rapprochés et les prophètes envoyés sont les créatures les plus nobles auprès d'Allah. Ainsi, s'il nous est interdit de les invoquer eux, par extension, ceci est valable pour toute autre personne. S'il nous est interdit de les invoquer, eux, qui sont les créatures les plus nobles auprès d'Allah, par extension, ceci est valable pour toute autre personne. Ainsi, on ne doit invoquer qu'Allah seul, et personne d'autre, qui que ce soit. Et c'est pour cela que l'élu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tatrouni kama atrat al-Nasara Isa ibn Maryam » Il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas à mon sujet comme ont exagéré les chrétiens au sujet du Messie, fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un serviteur, dites à mon sujet, serviteur d'Allah et prophète d'Allah. Cheikh Souhaimi nous dit, subhanallah, les orientations, les nobles directives du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il quelqu'un pour les comprendre? Quel est le sens de la parole? N'exagérez pas à mon sujet, comme ont exagéré les chrétiens au sujet du Messie, fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Que signifie cette parole? Elle signifie, n'abusez pas. N'allez pas trop loin dans les éloges à mon sujet, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Les juifs ont prétendu que Uzair était le fils d'Allah, wal'iyadhu billah. Et nous cherchons protection auprès d'Allah contre cette parole. Et les chrétiens ont prétendu que Isa, alayhi salam, était le fils d'Allah, wal'iyadhu billah. Et nous cherchons protection auprès d'Allah contre cette parole également. Et Cheikh Souhaimi nous dit, et parmi les musulmans, un est venu et a écrit ces vers de poésie. Je vais vous lire l'essai de traduction, inshallah. Il disait donc dans son vers de poésie, ô toi qui es le meilleur de la création, je n'ai d'autre refuge que toi quand les grands malheurs viendront. Et ce poète, égaré, voulait dire par cela, Yom El Qiyam. Cheikh Souhaimi nous dit, par Allah, laquelle de ces deux paroles est la plus grave? Quelqu'un qui va dire, ô messager d'Allah, je n'ai personne en dehors de toi auprès de qui me réfugier au jour dernier, ou quelqu'un qui prétend que Uzair est le fils d'Allah. Wal'iyadhu billah. Il nous dit, Cheikh Souhaimi, hafizahullah, certes, la première phrase est moins grave. Cependant, on se doit d'être vigilant. Car qui est-ce qu'on invoque lorsque viennent les grands malheurs? Qui est-ce qu'on invoque? C'est Allah seul. Comme l'a dit Ibrahim, alayhi salam, quand il dit, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Voulant dire par cela, c'est Allah qui me guérit. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Il ne nous a pas dit, invoquez le prophète, ou invoquez les anges. On invoque Allah seul. Bien sûr, le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous est obligatoire de l'aimer. Il nous est obligatoire de l'aimer. Et ce, plus que nos propres personnes. Et quiconque ne l'aime pas, ou a des doutes dans l'amour qu'il lui porte, ou a des doutes quant à la véracité de son message, cette personne n'est pas musulmane. Quiconque n'aime pas le prophète, ou a des doutes dans l'amour qu'il lui porte, ou a des doutes quant à la véracité de son message, cette personne n'est pas musulmane. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous est obligatoire de l'aimer, plus que nos propres personnes. Cependant, l'amour qu'on lui porte ne nous pousse pas à le diviniser, lui ou qui que ce soit d'autre, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et Cheikh Souhaimi nous dit, alors que dire de cet injuste qui dit, qui va dire, il est connu dans les bases de notre madhhab, dans les bases de notre école juridique, que nos guides, nos imams, ont atteint un niveau que n'atteindront jamais aucun ange rapproché, ni aucun prophète envoyé. Que dire d'une personne qui dit une telle parole? Les chiites disent ce genre de parole. Il est connu dans les bases de notre madhhab, de notre école juridique, que nos guides, nos imams, ont atteint un niveau que n'atteindront jamais aucun ange rapproché, ni aucun prophète envoyé. Cheikh Souhaimi hafizahullah nous dit, cette parole relève-t-elle de l'islam ou de la mécréance? Est-ce de l'islam ou de la mécréance de parler comme cela? Existe-t-il même une mécréance plus immense que celle-ci? Leurs guides, qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auraient atteint des niveaux supérieurs que les prophètes et les messagers? Qui peut oser dire une telle chose? Qui peut oser dire une telle chose, si ce n'est un athée, un polythéiste, un kafir, un apostat de la religion? Aussi, nous nous devons d'être très vigilants quant à ce point. Il est nécessaire que l'on comprenne ce point d'ailleurs, avant d'aborder et de poursuivre notre étude de cet ouvrage. Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset « Wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada » et certes, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez personne d'autre qu'Allah. Le sens ici est « N'adorez donc personne d'autre avec Allah ». Quand Allah nous dit, en traduction rapprochée, « Et certes, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez personne d'autre avec Allah » ou « N'invoquez personne d'autre en dehors d'Allah », le sens ici est « N'adorez, n'adorez donc personne d'autre avec Allah ». سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين